pas trouvé le mot pour te dire que je t'aime. Il me faut un dico pour me venir en aide. Il me manque trois mots pour finir mon refrain et l'aide de Rimbaud pour en faire un quatrain. D'où proviennent les mots qui me sont étrangers? Que deviennent les mots jamais utilisés? J'ai pas trouvé le verbe pour te dire mon amour. Il me faut un bécherel pour conjuguer toujours. Il me manque des vers pour clore ma chimère et l'aide de Verlaine pour en faire un poème. D'où proviennent les verbes qui me sont étrangers? Que deviennent les vers jamais utilisés? J'ai pas trouvé un air pour te chanter mon hymne. Il me faut le solfège pour corriger mes gammes. Il me manque une rime pour parfaire ma chanson et l'aide de Mozart pour que ce soit de l'art. D'où proviennent les airs qui me sont étrangers? Que devient ma chanson si elle n'est pas chantée?